25 louis sur l'étoile. Les jeux sont faits, messieurs. Rien ne va plus. Départ, monsieur banquier. Saint-Louis sur l'étoile. À l'étoile. Avant le départ, monsieur. Les jeux sont faits, monsieur. Dernier coup de la banque. Tout est marqué, monsieur. Départ, monsieur le banquier. Étoile, 24 fois la mise, 500 francs. L'as, 250 francs. 3, 50 francs. 22, 25 francs. Ça alors 42, comme base 25 francs. La loi de Robowski, mon cher. 25 louis sur l'étoile. Les jeux sont faits, messieurs. L'étoile, donc là pour 100 ans, bon qu'on la revoie. À moins qu'elle ne ressorte tout de suite. Vous ne connaissez pas la loi de Robovski sur la répétition cyclique? Non. Moi, si. L'étoile à 50 louis. Eh ben, monsieur, vous avez pas le droit, comme vous croyez au barbu. 200 à l'étoile. Étoile, 24 fois la mise, 500 francs. Là, c'est 250 francs. 3, 52 francs. 22, 25 francs. Ça donne la loi de Robovski, mon cher.